germinal, d'un jour à l'autre, germinal, d'un jour à l'autre, d'un jour à l'autre, d'un jour à l'autre, d'un jour à l'autre.